Les petites histoires de Telmi. Salut, moi c'est Diane et je collectionne les légendes. Récemment, j'ai découvert celles de l'univers de Dipongo. Et vous savez quoi? Elles vont vraiment vous épater. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende de l'âme des jouets. Odette, la chouette, était étonnamment plus douée avec ses ailes pour peindre que pour chasser. Elle n'avait jamais réussi à attraper une seule proie. Elle était la risée du royaume des oiseaux, si bien qu'un jour, on lui donna un ultimatum. Si elle ne ramenait rien très vite, elle serait bannie. Odette s'envola, relever le défi. Comme ses ailes n'étaient pas très musclées, elle se laissa porter par les vents qui l'amenèrent loin, très loin, si bien que la pauvre chouette se retrouva perdue au beau milieu d'une forêt enneigée. Déboussolée, elle se posa sur la branche d'un fier sapin. Elle aperçut un rongeur gambader dans la neige. Elle s'empressa de fondre sur lui, mais dans sa précipitation, elle se cogna contre une branche, s'écrasa au sol, roula-boula, entraînant le rongeur dans sa course folle avant de dégringoler au cœur de la terre. Sonnée, Odette découvrit avec stupeur que ce qu'elle avait pris pour un rongeur était en fait une magnifique hermine blanche qui contemplait la grotte dans laquelle elles étaient tombées. Elle abritait des millions d'œufs blancs au pied desquels reposaient des pinceaux et des pots de peinture. Odette ne put résister à l'envie d'en peindre un. Dès qu'elle eut fini, l'œuf se fissura, libérant une petite flamme bleue qui flotta à travers la caverne. Odette la suivit, accompagnée de l'hermine qui s'appelait Martine. Elles remontèrent une rivière souterraine et virent la flamme passer à travers une porte. Elles la poussèrent et découvrirent un immense magasin de jouets. La petite flamme volta jusqu'à un robot en fer blanc et s'y glissa. Il s'illumina alors de mille couleurs. Odette et Martine échangèrent des regards épatés. Elles retournèrent dans la grotte. Odette peignit un nouvel œuf. Une flamme en sortit et rejoignit tranquillement un fier soldat de bois. Elles renouvelèrent l'expérience encore et encore, si bien que le magasin se remplit de jouets colorés et animés. Les deux amies n'en revenaient pas. Elles avaient trouvé un lieu magique où naissaient des jouets uniques, des jouets avec une âme qui leur permettait de veiller sur les enfants. Cette légende est un tout petit aperçu de tout ce qu'offre l'univers de Dipongo. Si elle t'a donné envie de visiter l'univers d'Odette et Martine et d'assister à la naissance d'âmes de jouets, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à tes parents de télécharger sur leur téléphone ou la tablette l'application Dipongo. D-I-P-O-N-G-O. Tu pourras vivre deux aventures avec Edgar gratuitement et en découvrir des tas d'autres en t'abonnant. Un médecin en quelques minutes. En ce moment, la gastro-entérite fait son retour. Si vous ressentez des symptômes tels que nausées, maux de ventre, fièvre ou fatigue et que votre médecin n'est pas disponible, découvrez la téléconsultation avec Livy. Il vous suffit de créer un compte sur le site ou l'application, d'indiquer les symptômes pour lesquels vous souhaitez consulter et un médecin vous prend en charge en quelques minutes, tous les jours, de 7h à minuit. Vous pourrez en plus obtenir une ordonnance électronique si nécessaire. Plus d'infos sur livy.fr. Livy, un médecin en quelques minutes.